la parole à Alain Rioux, qui nous parlera, ce livre n'a pas changé, je le cite, de comment le travail de François Julien relance-t-il la réflexion théologique. Et comme ce matin, il y aura, s'il y a quelques questions brûlantes, elles seront posées immédiatement, puis une courte pause. Nous entendrons ensuite Patrick Hochard et nous aurons, après sa communication, un long temps de questionnement qui nous permettra de revenir sur tout ce qui a été fait, dit, entendu depuis hier soir. Merci. En fait, je ne vais pas reprendre le titre que j'ai proposé parce qu'il a été aussi largement abordé par Pascal. Et je vais remonter au titre général de cet après-midi, entre le religieux et le philosophique. Et je ne prétendrai pas être le premier à relever la paresse d'un « et » qui n'entreprendrait pas de s'expliciter et de se réfléchir. Alors pour amorcer cette explicitation et cette réflexion, j'ai choisi un biais subjectif et personnel, de reparcourir devant vous un itinéraire, le mien, à la fois commun, banal, et hors du commun, parce que singulier. Et pour tenter d'élaborer ce commun qui nous amène ici, c'est-à-dire ce en quoi notre itinéraire personnel, singulier, a croisé, continue de croiser, d'accueillir celui que François Julien nous a présenté comme le sien. Et je vous prie d'excuser le caractère peut-être un peu prétentieux, anecdotique et du coup peut-être un peu dérisoire de cette présentation. Un itinéraire donc qui n'est pas unilinéaire, mais lui-même croisement, jeu d'interférences, d'éveils divers. Bien sûr, je crois à la nécessité pour la communication de se soucier d'un fil conducteur, de l'exposer. Mais je n'écarte pas non plus des digressions, des chemins non pas qui ne mènent nulle part, mais ces voies de traverse au long desquelles se découvrent des points de vue inattendus, des horizons nouveaux. Ce que j'ai pu personnellement retenir de différentes lectures de livres, de conférences, de cours ou de prédications pour un religieux, eh bien c'est qu'à côté du fil conducteur, ce qui a retenu notre attention, ce sont souvent des écarts, de ces apartés qui sont venus relancer ce qui gisait déjà là et attendait une éclosion. Mais tout d'abord, à propos de l'antre, du « et », des croisements, je commencerai par noter que le dialogue entre les cultures se dit en anglais « cross-cultural studies ». Cross, bien sûr, traverser, comme on traverse une rue, comme on passe d'une rive à l'autre d'un fleuve, avec cette invitation d'un aller-retour. Et vous ne vous étonnerez pas que le croyant chrétien ne peut s'empêcher d'y entendre aussi le passage, c'est le sens du mot « Pâques », n'est-ce pas, dans une traversée d'une mer, de la servitude au service, et pour Jésus, de la mort à la vie. Il faut se garder certainement des concordismes, mais il y a des rapprochements, je pense, que l'on peut esquisser. Et aussi, puisque je vous ai dit que j'allais parler d'un itinéraire personnel, je pense que l'antre n'est certainement pas l'apanage des métisses, mais ceux-ci peuvent difficilement évacuer son inconfort et son inquiétude, éviter difficilement de rechercher à nouveau une inclusion, et comment peuvent-ils rechercher une fécondité à partir de cet antre. Alors c'est l'occasion pour moi de vous dire que je suis né il y a un peu plus de 70 ans, d'un père breton, médecin des troupes coloniales, comme on disait à l'époque, qui avait rencontré ma mère vietnamienne à Hanoï, et qui était infirmière. J'ai appris tardivement que leur mariage avait soulevé quelques vagues dans le Landerneau de l'Extrême-Orient, car s'il y avait bien sûr des mariages mixtes à l'époque, la société coloniale avait quelque mal à accepter l'alliance d'un officier et d'une femme issue d'une famille connue, tout au moins. Mon grand-père, en effet, avait participé dans les années 20 et 30 à un mouvement qui a préconisé et conduit à l'abandon de l'écriture traditionnelle vietnamienne inspirée des caractères chinois, extrêmement compliquée parce qu'il fallait les adapter à la langue vietnamienne, et ça n'était pas normalisé, si bien qu'il fallait pratiquement connaître les deux langues pour être capable de lire. Et il y avait du coup très peu de lettrés, dirons-nous. Donc à cette époque, un certain nombre de gens, dont mon grand-père, ont milité pour l'adoption de la transcription en caractère latin de la langue vietnamienne, transcription qui avait été utilisée par les missionnaires et normalisée par Alexandre de Rhodes au XVIIe, si je me trompe. Et mon grand-père était aussi traducteur, c'est pour cela qu'il avait été formé par l'armée française. Il a traduit en vietnamien les Fables de La Fontaine, qui ont été republiées l'année dernière, les Trois Mousquetaires, les deux fils d'un troisième mariage s'appellent Maximilien et Alexandre, et une ou deux pièces de Molière, si j'ai bon souvenir, et il a traduit en français le grand poème du Keo, Kim Van Keo, de 3000 et quelques vers. Mais je n'ai jamais connu ma mère, du fait qu'elle est morte quand j'avais juste 1 an et 9 jours, et à la fin de la guerre, mon père a voulu rentrer en France. C'est donc après un passage en Bretagne chez ma tante que j'ai fait à Paris l'ensemble de mes études secondaires et supérieures, en particulier à l'Institut National Agronomique de Paris, aujourd'hui Paris Agrotech. En troisième année de spécialisation, j'avais choisi l'entomologie, les insectes. On peut se demander pourquoi. Mon intérêt pour les insectes venait du fait de la diversité extraordinaire de la vie. Vous savez que les 3/4 des espèces animales sont des insectes, que d'autre part on estime, je ne sais pas trop bien à partir de quels critères, qu'ils détruisent à peu près la moitié de ce que l'homme cherche à produire, et que d'autre part, au point de vue de la biologie, les insectes représentent des réponses extrêmement exotiques aux problèmes fondamentaux de la vie. Ils ont du sang, mais ça n'est pas rouge. Il n'y a pas d'hémoglobine, ils ont un système nerveux mais qui n'est pas centralisé du tout comme le nôtre. Le cerveau fonctionne, le système est complètement décentralisé, le cerveau fonctionne par inhibition et non pas par commande. D'autre part, le mouvement de ces insectes est aussi extrêmement divers. Je pense que ce sont à peu près les seuls animaux qui combinent à la fois la marche, éventuellement le saut, le vol et quelquefois la natation chez les mêmes. Enfin, le fait qu'il y ait une carapace extérieure et que les parties molles soient à l'intérieur fait que aussi beaucoup de choses de données de la biologie sont assez différentes, en particulier le développement. Bon, je vais arrêter là. Ma curiosité s'est quand même arrêtée quand on m'a proposé à l'INRA d'entamer une thèse sur la digestion chez Hephaestia cuniella, que vous connaissez parce que c'est la mythe qui mange vos pâtes, vos farines, vos riz, etc., qui est donc très facile à élever. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'occuper de plus grosses bêtes. Je suis entré dans l'ordre des Dominicains, entré en religion, comme on dit, non pas dans une pensée, même si nous nous targuons de saint Thomas d'Aquin dominicain. Non, j'appartiens à cette génération d'aux alentours de 68, qui, très courte d'ailleurs, qui n'a pas été vraiment initiée à saint Thomas d'Aquin. Et j'ai fait ma thèse de théologie sur saint Maxime le Confesseur, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est un saint byzantin du 7e siècle, c'est la montée de l'islam, Et bon, je vais laisser de côté le détail de sa théologie, mais simplement pour signaler que c'est, à ma connaissance, le seul saint de l'Église indivise qui soit mort excommunié avec accord du pape, qui, à 82 ans, a eu la main droite tranchée et la langue arrachée. Il est confesseur parce qu'il n'est pas mort sur le coup. Et, il est au martyrologe, c'est-à-dire à la liste quotidienne des saints de l'Église. Je ne sais pas très bien comment les canonistes s'arrangent avec ça, mais j'avoue que ce n'est pas ma préoccupation principale. Je ne suis pas entré non plus dans un ordre avec une spiritualité particulière. Chez les dominicains, nous avons l'habitude de dire que nous avons une spiritualité chrétienne, mais nous appartenons à une communauté qui a une particularité qui est de l'ordre du mode de gouvernement. Et cela s'incarne dans des institutions auxquelles nous sommes très attachés. Je pense que nous pouvons dire avec fierté que, là aussi à ma connaissance, nous sommes le seul groupe humain qui pratiquons depuis bientôt 800 ans, nous allons célébrer le 8e centenaire en 2015 de la fondation officielle de l'ordre, 800 ans de démocratie entièrement élective. Tous les responsables sont élus à la majorité absolue pour un mandat renouvelable une seule fois. Et tout cela, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que nous sommes nés à un moment, au moment du basculement de l'Europe occidentale, de l'Europe rurale, le haut Moyen-Âge, la mise en exploitation de l'Europe rurale pour nourrir ces populations qui ont afflué à l'occasion de ce qu'on a appelé les grandes invasions. Le premier besoin à remplir, c'était de les nourrir. Et quand ça réussit, eh bien, il y a un glissement. Et on assiste dans la deuxième moitié du XIIe siècle à l'essor des bourgs, avec les bourgeois, oubliez le sens marxiste du terme, repensez aux bourgeois de Calais. Et donc les bourgeois ont des besoins entièrement nouveaux. L'argent, bien sûr, l'argent avec deux besoins, de noter l'argent, les écoles, de garder l'argent, les banques, et il y a des gens qui sont tout à fait spécialistes dans l'un et dans l'autre, ce sont les Juifs. Les Juifs qui étaient en contact avec les Arabes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si je mentionne cela, c'est parce que cela nous rend, je pense, plus particulièrement attentifs à l'époque à laquelle nous vivons. Nous avons dit en 2004, si j'ai bon souvenir, que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y avait désormais plus d'êtres humains dans les villes qu'à la campagne. Et c'est en 2011 ou en 2012 que la Chine a connu ce basculement. En l'espace d'une vie humaine, la Chine est passée de plus de 90% de ruraux à, donc l'année dernière, cette année, à une majorité urbaine. Et c'est à ce moment-là que nous nous reposons, assez normalement, les problèmes de l'équilibre entre la vie urbaine et ce que l'on appelle la nature. En même temps, nous voyons bien que la démocratie à laquelle nous sommes si attachés est bien grippée. Pourquoi? Parce que au-delà des trois pouvoirs définis par Montesquieu, il y a désormais d'autres pouvoirs qui ne sont pas régulés, mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Donc voilà, et c'est avec ce bagage que je suis parti en 1972 pour ma terre natale, le Vietnam, pas tout à fait Hanoï, c'était guère accessible à l'époque, mais le Sud-Vietnam. J'y suis resté 4 ans en commençant par apprendre, je ne sais pas très bien, la langue de ma mère qui n'était pas ma langue maternelle. Et cela m'a incité à faire attention à un certain nombre de ce que j'ai pu appeler après d'autres des comportements langagiers, qui me semblait laisser émerger des stratégies sociales et culturelles, non pas opposées, mais à l'écart de celles dont nous avons l'habitude en Europe, et porteuses d'autres fécondités. Mais aussi avec naturellement des freins et des oublis. si j'essaye de résumer ces deux propensions, je parlerai en général d'une propension à la relationalité, c'est-à-dire de considérer d'abord les relations entre les interlocuteurs et donc la qualité de ces relations comme première, et l'exception est l'Europe qui, elle, a une propension pour l'incéité, c'est un mot peut-être que j'ai inventé, c'est-à-dire de considérer les interlocuteurs, les faits, comme existant en eux-mêmes. Et la relation qui s'établit entre eux vient secondairement. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Tout cela m'avait amené à rêver d'étudier un jour le chinois. Pourquoi ? Parce que, d'une part, je pense que la langue chinoise a gardé, même si elle a beaucoup évolué, un certain nombre de caractéristiques propres. Elle a sans doute moins subi l'influence des langues européennes qu'une langue comme le vietnamien. Et elle a aussi adopté en 1912 des pronoms personnels qui existent bien en vietnamien, mais qui sont limités à des emplois très très limités, qui sont la familiarité quasiment grossière ou l'injure. Ce qu'on utilise en vietnamien dans les relations, ce sont des paires de référents personnels. Et donc, si on peut dire, la relation est pensée antérieurement au pôle de la relation. Ben, c'est en tout cas comme cela que ça s'exprime dans le langage. Et je me demandais si en chinois, il n'en avait pas été de même, alors que depuis 1912, un courant, après la révolution qui a instauré la République de Chine, a imposé des pronoms personnels au chinois ou au nita. Et j'étais curieux de savoir d'où ils provenaient, ces trois termes. Je n'ai pas eu le temps de vraiment pousser l'investigation. Je ne sais pas si M. Wu pourrait nous éclairer sur la question. Je pense que ça a été une révolution culturelle aussi importante peut-être que celle auquel reste attaché ce nom. Voilà, il s'est trouvé que à peu près 4 ans après mon arrivée au Vietnam, en juillet 1976, donc 14 mois après la chute de Saigon et la prise de pouvoir par les communistes, avec les quelques 40 prêtres religieux, religieuses étrangers qui restaient au Vietnam, nous avons été considérés comme en présence illégale dans le pays, puisque nous étions entrés sous le régime précédent qui n'était pas reconnu. Et nous avons été invités à regagner notre pays d'origine. Dans cette réunion, j'ai essayé l'humour. Et j'ai demandé, bien, est-ce que j'écris Hanoï, puisque je suis né? Et on m'a répondu avec un grand sourire, non, vous écrivez le pays de votre passeport. Donc après un détour de 7 ans par le Nigeria, Paris, Lille et Manille, j'ai débarqué finalement à Taipei pour pouvoir réaliser ce rêve que je n'ai pas totalement réalisé, puisque je n'ai pu consacrer que 2 ans à l'étude de la langue chinoise. J'avais accepté de donner des cours de français pour dépanner à l'université. Au bout de 2 ans, on m'a demandé d'être chef de département et j'ai su que c'était terminé pour ce qui concernait des études linguistiques. Et c'est alors qu'un ami de François Julien de la rue d'Ulm m'a passé le détour et l'accès, j'y viens enfin. Et là, eh bien, ça a été immédiatement la reconnaissance d'une présentation de la cohérence chinoise que je reconnaissais à travers ce que je pouvais en appréhender dans la vie quotidienne et à travers la langue. Il s'est trouvé qu'en 2004, l'université, un centre de sinologie à l'université Furen, où j'enseignais à côté de Taipei, a invité François Julien pour un colloque de sinologie. Et depuis ce temps-là, nous sommes restés en contact. Et donc, quand j'ai pris ma retraite en 2007 et que mon ordre m'a demandé de rejoindre la Tourette, j'ai évidemment pensé à y inviter François Julien, qui est venu en 2009, non, 2010, novembre 2010, pour un séminaire, un premier séminaire d'exploration de ce titre annoncé que nous attendons avec impatience, Moïse ou la Chine, quand l'idée de Dieu ne se développe pas, l'idée de Dieu. Et c'est vous-même qui avez proposé que, il y a tout juste un mois, nous nous retrouvions sur la philosophie du vivre et l'entrée dans la pensée. Alors, avec tout cela, eh bien, il faut peut-être résumer et dire que la rencontre de la Chine dans sa réalité et sa cohérence, telle qu'elle nous est présentée par François Julien, bon, cette rencontre a, depuis les origines, posé des questions immenses aux croyants et aux théologiens. Celui-ci ne peut éviter la question: que reste-t-il du discours de la théologie traditionnelle européenne si on ignore Dieu, l'être, la vérité, la liberté, le symbole, si l'on ignore ou si l'on s'en est rapidement désintéressé, quand il n'y a pas révélation de ce Dieu à travers des événements dans une histoire tendue entre une création, une chute et une fin? À propos, le mot chute ne figure pas dans la Bible, dans le texte, mais dans les sous-titres rajoutés plus tard, et donc d'inspiration probablement néoplatonicienne. Et tout ça en vue de l'accomplissement des personnes dans l'accueil d'un salut, qui est le partage d'un bonheur. Bon, ce constat d'imperméabilité de la Chine à l'annonce chrétienne est ancien, mais jamais il n'avait été fait avec une telle cohérence dans ses ramifications, avec la remise en question, évidemment, de l'universalité du discours et du comportement chrétien. Et la réaction, eh bien, il y en a une d'un ami très cher, quand je lui ai expliqué un petit peu comment fonctionnait la langue chinoise, un mot, je le compare à un tableau pointilliste, si vous avez le nez dessus, vous ne voyez rien, il faut prendre de la distance, et là, vous voyez quelque chose se dessiner, et la réaction de cet ami a été de dire « les pauvres ». Et donc, voilà. Cette réaction peut inviter à formuler le vœu que la Chine change, s'ouvre et se convertisse, mais le chemin n'en semble pas tout à fait pris. L'autre choix, ou au moins celui qui peut l'accompagner, est de mettre, comme nous y invite Pascal, Pascal du XVIIe siècle, à mettre papier sur table. À la différence des philosophies du soupçon, François Julien invite le croyant chrétien à relancer sa réflexion, à interroger ce qui fonde son discours, non pas pour le renier, mais pour en sonder les ressources et les fécondités, prendre la mesure des convictions et des engagements pour en dégager les implicites, en baliser le socle et le champ des forces vives. Je cite là ce que nous avions dit donc à la tête au premier séminaire. Dans ce chantier, il faut bien sûr éviter les concordismes rapides et les récupérations paresseuses, nous rappeler que souvent les homonymies ne sont que rarement des synonymies. On pourrait détailler les choses. On a beaucoup parlé du logos de Saint Jean et du logos stoïcien. Il suffit simplement de dessiner, de prendre une concordance de la Bible, du Nouveau Testament, ranger, dessiner la constellation sémantique autour du mot logos et du verbe legein, pour s'apercevoir que ça ne correspond absolument pas à la constellation sémantique du logos stoïcien. Bon, il s'agit aussi d'organiser cette distance pour trouver, découvrir, voire s'offrir un accès. Interroger ainsi des plis pour en dégager des points aveugles peut-être et des friches qui entraînent une myopie ou même une cécité, une surdité. Et tout cela pour exiger, pour nous avancer vers l'élaboration d'un commun. Alors, je voudrais simplement terminer en évoquant, Pascal, celui-là, vient de le faire, ce que vous avez évoqué à la fin de notre séminaire il y a un mois, les apports du christianisme à la pensée et à l'humanité. Je ne vais pas les rappeler. Et vous avez assorti, je crois, cette présentation d'une question qui était « Mais qu'est-ce que le croire ajoute à cette connaissance ?» Je ne sais pas si ça a été exactement formulé comme ça. Et là, j'évoquerai simplement le fait que les Lumières ont essayé de réduire le croire à un sous-savoir, que ça a été une des questions, même la question essentielle, déjà avant même le christianisme, avant même Jésus-Christ, avec le monde juif, de la gnose. À savoir que la connaissance s'est petit à petit substituée à un comportement concret qui va avec le croire. Si il est évident que croire confère une connaissance, cette connaissance n'est pas première, elle n'est que réflexive, mais elle est aussi, je pense, immédiate dans un aspect un peu paradoxal. Pour évoquer cela, je donnerai une petite précision. Vous connaissez tous la parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 10. « Je suis le bon pasteur, le bon berger ». Le problème, c'est que Jean ne dit pas ça. Il dit « Je suis le beau, kalos, pasteur ». Et je me suis étonné, parce que bon, on peut dire que les deux termes à l'époque sont à peu près synonymes. Kalos kagatos. Kalos kagatos, bien entendu. Mais Jean connaît le mot agathos. Par exemple, Nathanaël, quand on lui présente Jésus au début de l'évangile, réagit en disant « Mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Et là, il utilise agathos. Mais ce n'est pas le terme. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il me semble que la vérité s'approche à travers un dire, que le bien s'approche à travers un faire, mais que le beau, lui, se propose et s'impose de par son évidence, d'une manière immédiate. On pourrait en discuter plus longuement. Et je voulais signaler cela. Peut-être sans grand rapport, parce qu'il faut aller vite. Il me reste 5 minutes, c'est ça ? C'est ça. Je dirais aussi que l'un des premiers théologiens, Saint Justin, qui a écrit vers l'année 150, donc extrêmement tôt, deux apologies adressées à l'empereur pour expliquer ce qu'était le comportement et la foi des chrétiens, et un dialogue avec Tryphon, est mort martyr. Et son titre est à mon avis très beau pour le croyant. Son titre est « Philosophe et martyr », non pas théologien. Parce qu'un philosophe, donc, qui a croyant, qui a commencé à expliciter le mystère chrétien en termes platoniciens, avec toutes les conséquences que vous pouvez deviner, eh bien, ne peut vraiment achever son discours et sa sainteté que dans le martyr, le témoignage. Enfin, je pense que, encore une note, la philosophie pose la question du mal et du négatif, mais non, autant que je sache, celle de la peur. Pas seulement l'angoisse existentielle, la peur ontologique de la mort et devant la menace du néant, ni seulement celle psychologique et sociale de la non-reconnaissance de soi-même, par soi-même et par l'entourage, mais celle de la prise en compte du vivre et des transformations silencieuses qui, inéluctablement, échappent au contrôle et même au Wu-Wei. Alors, si la Chine et l'Orient, pour parler très court, a cherché à gommer cette peur et cette angoisse, la fécondité de l'Europe et de la religion n'a-t-elle pas été de les faire travailler. Et je terminerai sur une citation de Saint Jean que la tradition grecque orientale appelle non pas l'apôtre ni l'évangéliste, mais le théologien, Il n'y a que trois théologiens dans l'Église grecque, Jean, dit l'évangéliste, Grégoire de Nazianze à cause de ses oraisons, de ses traités sur la Trinité, et le troisième est un poète, du Xe siècle, Saint Siméon, le nouveau théologien. Je reviens donc à Jean, le théologien, l'évangéliste, mais là, non pas dans l'Évangile, mais dans la première lettre. Il écrit, chapitre 14, verset 18, en français, « L'agapé parfaite jette dehors la peur. Et teleia agapé exo balei ton phobon. » Et l'agapé. L'agapé n'est pas un concept. On ne trouve aucune définition de l'agapé dans la Bible. C'est un terme qui est vide de mémoire philosophique et culturelle. Il a été choisi, justement, peut-on penser, par les traductions qui ont accompagné la Septante, à peu près, donc en gros, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, si je m'en souviens, si je ne me trompe. De préférence à deux termes qui étaient beaucoup plus chargés au point de vue philosophique, qui étaient la philia, l'amitié, et l'éros, bien entendu. Donc un concept relativement vide, mais qui s'est chargé de toute expérience religieuse du judaïsme, des juifs et des chrétiens. Teleia. Teleia, qu'on traduit par parfait, il ne s'agit pas d'une perfection platonicienne, mais on entend la racine telos, qui a donné télé, n'est-ce pas, le loin, ce qui est loin. Et teleia, l'adjectif, désigne donc, réfère à deux autres emplois de mots de la même racine. Au début, dans l'évangile de Jean, au début du dernier repas, et il n'y a pas la scène dans l'évangile de Jean, il y a Jésus qui lave les pieds de ses disciples en signe de serviteur, et Jean écrit « Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout, eisto telos ». C'est de cette eisto telos qu'il s'agit ici, dans cette perfection, et c'est encore le dernier mot dans l'évangile de Jean, de Jésus sur la croix. Un seul mot, nous avons besoin de trois mots pour le traduire, « tout est achevé ». C'est un verbe au parfait, c'est-à-dire le temps, non pas du passé, mais le temps du propre en grec, qui est tetelestai. C'est fini. Et exobalein, non pas comme on le trouve dans la plupart des traductions, banni, supprimé, etc. On ne supprime pas, on ne bannit pas la peur, n'est-ce pas? Elle demeure jusqu'au bout. Parce que c'est la peur des origines. Et ça nous renvoie à la Genèse. Après avoir consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam, qui s'est caché, appelé par Dieu, répond « Je me suis caché parce que j'ai eu peur du fait que j'étais nu. » Il ne s'agit pas d'une nudité de pudeur, etc. Il s'agit de l'appréhension, dans le double sens du terme en français, de la fragilité totale dans laquelle se place l'homme en connaissant le bien et le mal, non pas, c'est pas du tout contre la science, mais le verbe connaître en hébreu est extrêmement fort, exprime l'expérience profonde, intime, que l'on a de quelqu'un, ça désigne les relations sexuelles, ou de quelque chose, une expérience. Et donc la connaissance du bien et du mal, c'est décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et l'homme ne peut le faire que d'une seule manière, en se mettant au centre du monde par rapport à moi. C'est bon ou c'est mauvais. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas le centre du monde. Et donc cet agapé est ce mouvement qui permet de jeter cette peur viscérale dehors, devant, sans la supprimer, mais qui permet ce face-à-face et ce chemin. Merci. En retraçant votre parcours et en commençant